dès 6-9 mois, les bébés connaissent un petit peu quelques mots. Le robot dans 20 ans, je m'appelle Peter. Je l'imagine descendre les poubelles. Je m'en charge volontiers. On est capable de diagnostiquer, de mieux traiter, dans quelques cas, avec l'ADN. L'espoir, finalement, c'est de réenchanter notre rapport au cosmos, à la nature et à la vie. Aujourd'hui, le biomimétisme. Au 15e siècle, Léonard de Vinci disait « Regarde la nature, c'est là qu'est ton futur. Le grand laboratoire de la nature détiendrait la solution de tous nos problèmes. Telle est la philosophie du biomimétisme qui consiste à copier les stratégies que le vivant a pu mettre au point au fil du temps. Car la vie a inventé beaucoup. Des solvants, des ciments, des câbles ultrasolides, des matériaux aux structures originales. Depuis 3,8 milliards d'années, le vivant sélectionne les solutions les plus efficaces, les plus économiques en énergie et en ressources. Kalina Raskin, ingénieure physico-chimiste et docteur en biologie, est directrice générale du CEBIOS, le Centre européen d'excellence en biomimétisme. Personne en France mieux qu'elle ne peut parler de ce sujet qui peut nous aider à envisager le monde d'une façon radicalement différente. Les aventuriers sur France Inter. Le biomimétisme, c'est effectivement s'inspirer de la nature. Hein. Bio, ça veut dire vie, mimétisme, copier, imiter. Donc c'est s'inspirer du vivant pour innover. On s'inspire de quoi ? On s'inspire des formes, on s'inspire de la chimie, on s'inspire de quoi ? On peut s'inspirer du vivant pour un peu tout, en fait. Donc on peut effectivement décliner ça sous plusieurs angles différents, soit s'inspirer des formes, s'inspirer des processus naturels, s'inspirer aussi du fonctionnement des écosystèmes. Tous ces éléments-là sont des sources d'inspiration. Et aujourd'hui, si on regarde un petit peu nos grands défis, hein, grands défis de l'humanité que sont le recours à des énergies propres, l'optimisation de l'utilisation de nos matériaux, des procédés de chimie douce ou encore des processus de gestion de l'information efficace, eh bien effectivement, à chacun de ces défis, il y a des solutions dans le vivant. Est-ce que Léonard de Vinci était un précurseur ? Il regardait beaucoup la nature, il s'inspirait de la nature déjà. Donc Léonard de Vinci, effectivement, disait « Regarde, la nature, c'est là qu'est ton futur ». Léonard de Vinci fait partie de ces grands ingénieurs dont on a retrouvé les traces et les écrits qui avaient effectivement une admiration pour le vivant et qui avaient, parmi les premiers, réellement décrit les phénomènes naturels pour essayer de les copier. Mais bien sûr, la pratique du biomimétisme, elle est bien plus ancienne. Je pense que depuis l'aube de l'humanité, l'homme s'inspire du vivant, ne serait-ce que pour les techniques de chasse ou pour les systèmes de guérison et de médication. On s'est inspiré de la nature pour pouvoir résoudre ces enjeux-là. L'homme a beaucoup regardé les oiseaux. Alors effectivement, même toute l'aviation moderne est issue finalement de l'observation des oiseaux et de ce rêve de l'humanité de voler. Hein. Citons par exemple les avions de Clément Ader, évidemment, qui sont inspirés largement à l'époque de la chauve-souris. Et aujourd'hui, on arrive à faire des objets volants qui sillonnent le monde et qui sont très largement inspirés du vivant. 15 juin 1955, Radio-Télévision française, le colonel Bélanger, le plus ancien pilote de France. Nous avons près de nous maintenant le plus ancien pilote de France, le colonel de réserve Bélanger qui habite Chambéry. C'est un homme au visage avenant, le menton orné d'une barbiche blanche à la Napoléon III. Comment avez-vous pris contact avec l'aviation, mon colonel ? Mais quand je suis arrivé à l'école de Fontainebleau au mois d'octobre 1900, j'ai suivi un cours d'aéronautique professé par un capitaine du génie. Et son cours s'est terminé par cette phrase « Et il y a encore des esprits utopiques pour croire au plus lourd que l'air ». Et nous étions partagés entre deux écoles. Il y avait ceux qui partaient du cerf-volant, le cerf-volant se soutenant en l'air par la réaction des plans sur l'air, et ceux qui voulaient partir de l'oiseau. J'étais de ceux qui voulaient partir de l'oiseau. Je m'amusais à observer les oiseaux et à me foncer sur eux à cheval pour voir comment ils s'envolaient, comment ils se reposeraient. Ils atterrissaient toujours le nez au vent. Quelquefois, ils se trompaient. J'ai remarqué des corbeaux qui, atterrissant dans un labour, sur une motte de terre, bien, rataient leur atterrissage et roulaient avec leur motte de terre. Mais c'était exceptionnel. J'adore cette archive. C'est fascinant. C'est fascinant, cette observation enthousiaste et naïve, presque enfantine, en fait, finalement, de l'oiseau. Et quand on sait ce qui s'est passé après dans le développement de l'industrie aéronautique au sens large, c'est vrai que c'est fascinant. Parce que le vol battu, finalement, n'a jamais... était un succès. Le vol battu a été compliqué à développer pour des raisons physiques liées aux vitesses auxquelles nos avions aujourd'hui volent. Mais néanmoins, sur les grands principes, l'aviation, finalement, s'est réellement inspiré du vivant. Et on voit aujourd'hui hein, les grands constructeurs aéronautiques comme Airbus qui continuent en fait à développer des projets bio-inspirés où voilà, on veut changer les formes des ailes des avions comme le fait un oiseau. On adapte le bout des ailes par ses winglets pour optimiser la portance des ailes. Et puis maintenant même sur les matériaux, on commence à regarder est-ce que dans le vivant, il n'y aurait pas des matériaux biologiques résistants qui nous permettraient d'améliorer aussi la résistance des matériaux des avions. Donc l'aéronautique au sens large est un domaine qui a très largement puisé son inspiration dans le vivant. Et depuis quand le biomimétisme est un sujet de science moderne ? Le biomimétisme a émergé initialement, principalement dans le domaine de la gestion de l'information et des systèmes, dès le début de l'informatique, d'un point de vue scientifique, on va dire, moderne. La plupart de nos objets intelligents du quotidien utilisent finalement des systèmes mathématiques qui ont été observés dans la nature. Donc c'est sans doute dans ce domaine-là. L'aéronautique a été développée à peu près en parallèle. Ça date, on va dire, du milieu du XXe. Mais inspiré des mathématiques de la nature, je comprends pas. Alors, c'est-à-dire que les mathématiciens ont été longtemps, et le sont toujours d'ailleurs, fascinés par exemple par la capacité des essaims de fourmis, enfin des groupements de fourmis, à pouvoir gérer de façon extrêmement optimisée le trafic de plusieurs centaines d'agents que sont ces fourmis-là pour aller chercher de la nourriture en parcourant le chemin le plus court pour pouvoir y parvenir et en transmettant cette information de façon efficace à ces différents congénères. Et ça, d'un point de vue de la modélisation mathématique, c'est absolument fascinant. Et donc, il y a des mathématiciens qui se sont plongés sur la compréhension de ces algorithmes fourmis. Puis ensuite, d'autres qui se sont dit, bah, finalement, les mécanismes d'apprentissage des neurones, c'est aussi extrêmement intéressant. Donc, les mathématiciens ont commencé à modéliser la façon dont cette intelligence collective neuronale ou dans les essaims pouvait être formalisée d'un point de vue mathématique. Et ça, ensuite, l'informatique s'en est saisie pour pouvoir le mettre dans des logiciels performants. Moins compliqué que l'informatique, on a fait pas mal d'inventions juste en copiant la nature. Alors oui, on s'en est inspiré notamment dans le domaine du traitement des surfaces, par exemple, pour développer des nouvelles peintures performantes. Et un des grands modèles qui a lancé l'Allemagne, par exemple, sur le biomimétisme, ça a été l'effet lotus. La feuille de lotus, si vous avez la curiosité, la prochaine fois vous vous promenez près de bassins municipaux, par exemple, ou dans un parc, il y en a très régulièrement dans les parcs français, et que vous jetez des gouttes d'eau dessus, ben, ces gouttes-là vont déperler, vraiment comme un vêtement déperlant. Et ça, c'est dû à une microstructure qu'a la feuille de lotus à sa surface, qui en fait empêche l'eau de s'étaler. Et ça, ça a été utilisé pour développer des peintures en fait, auto-nettoyantes et déperlantes, qui sont aujourd'hui largement appliquées dans le domaine du bâtiment et qui ont ensuite été transférées sur du traitement textile ou du traitement d'autres surfaces pour avoir ça. Et dans le domaine des transports, par exemple, alors il y a ce fameux grand exemple du Shinkansen, donc on s'est inspiré, par exemple, de l'aérodynamisme de certains oiseaux comme le martin-pêcheur pour pouvoir développer des trains dont le profil, en fait, va être largement optimisé, notamment pour entrer à grande vitesse dans des tunnels et limiter les vibrations et le bruit qui étaient engendrés par cette surpression qu'on pouvait rencontrer dans le tunnel. Donc dans plein de domaines, aussi bien dans le domaine industriel des matériaux, dans le domaine des transports, l'aérien ou le ferroviaire, l'informatique, le biomimétisme finalement est rentré dans la boîte à outils des ingénieurs. Et vous n'avez pas parlé du Velcro ? Découvert en 1948. Alors oui, c'est un autre très très grand classique, le Velcro. 1961, Radio Suisse Romande, le Velcro, inventé en 1948 par Georges de Mestral. Il était une fois un homme et son enfant. Ils chassaient, une manière de passer le temps comme une autre. Il était donc une fois un homme, un enfant, comme dans un roman de Hemingway. Mais aussi des chiens. Sans eux, l'histoire ne serait pas possible. C'était dans le Jura. Il ne s'est d'ailleurs rien passé de très particulier ce jour-là, sinon qu'un des chiens est revenu, le poil incrusté de petits chardons. Ça colle, les chardons, ça tient très fort et c'est bien difficile à enlever. Cela fit réfléchir notre chasseur. Vous auriez jeté les chardons sans plus y penser. Lui pas. Et cela va faire une histoire, vous verrez. Près de 15 ans plus tard, le monde apprenait un mot nouveau, Velcro, la fermeture magique. Une fermeture magique dont tous les journaux du monde ont parlé, même la Pravda. Une fermeture qui se pose et s'enlève comme une peau de banane. Mais pour coller quoi? Tout ce qui peut sur Terre s'accoler, hormis les humains toutefois. Ce n'était pas si mal que ça. Oui, en 1941, lors d'une partie de chasse, je me suis aperçu que les petites bardanes ou glettes crochaient terriblement fort sur les vêtements et dans les oreilles du chien. Ce pouvoir d'accrochage des chardons, je l'ai mis dans ma cervelle de côté en attendant de pouvoir en faire une utilisation pratique. Mais voilà, il suffit de regarder la nature. Exactement, et alors cet objet du quotidien auquel on ne réfléchit absolument pas, hein. Maintenant on a du velcro absolument partout, sur nos vêtements, sur nos chaussures, dans toute une série d'objets industriels ou civils du quotidien, il y a ce velcro qui est probablement un des plus grands succès industriels de la bio-inspiration. La route chante quand je m'en vais. Je fais trois pas, la route se tait. La route est noire à perte de vue. Je fais trois pas, la route n'est plus. Sur la marée haute, je suis montée, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Sur la marée haute, je suis montée. La marée haute, c'était là ça. Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. Des physiciens, des biologistes, des chimistes se sont déjà emparés du biomimétisme. Les poissons, les carapaces des crustacés, les moules, le bois... Les araignées les ont inspirées pour des innovations étonnantes et respectueuses de l'environnement. Pour Kalina Raskin, ingénieure physico-chimiste, le biomimétisme représente une opportunité inédite d'innovation responsable. Alors ce qui est intéressant, c'est que quels que soient les grands domaines, les grands enjeux, défis de société que vous preniez, il y a une convergence entre les solutions qu'a développé le vivant et finalement les grandes orientations que nous sommes en train de prendre. Donc l'humanité, par essai-erreur, s'aperçoit que finalement la stratégie énergétique que nous avons eue depuis la révolution industrielle n'était peut-être pas forcément la bonne et qu'il faut passer à autre chose. Et cette autre chose, quand on regarde un petit peu la façon dont elle se décline, à faire appel aux énergies renouvelables, séquestrer le CO2 atmosphérique, décentraliser l'énergie, c'est exactement ce que fait le vivant depuis 4 milliards d'années. Donc dans le domaine de l'énergie, probablement que une des grandes révolutions que pourrait apporter le biomimétisme, c'est la production d'hydrogène. Donc, je pense que l'hydrogène, tout le monde en a entendu parler, on sait tous que c'est une des grandes promesses de l'énergie demain. Mais comment on produit cet hydrogène avec des rendements qui soient des rendements tout à fait raisonnables? Dans le vivant, la source primaire d'énergie dans toute la biomasse terrestre, c'est quoi? C'est le soleil. Et donc la photosynthèse, cette capacité qu'ont les plantes à utiliser l'énergie solaire pour la transformer en énergie, est exactement ce qui est en train d'être copié aujourd'hui par des chercheurs notamment français, mais aussi à l'échelle internationale, pour fabriquer de l'hydrogène. Bien sûr, la plante, elle ne fabrique pas de l'hydrogène comme ça, mais dans la chimie en fait, de la plante, à un moment donné, cet hydrogène, il est fabriqué. C'est-à-dire que la plante, elle est capable, elle a une molécule qui sert à dissocier l'eau. Elle coupe l'eau, donc H2O, hein, en hydrogène et en oxygène. Et notamment des chercheurs français, Marc Fontcave, Vincent Artérault, ont travaillé sur la compréhension finalement de cette molécule qui est capable de couper l'eau. Et ils ont réussi à la copier et à la mettre en place dans un système de production d'énergie qui, à partir d'eau et de soleil, permet de produire de l'hydrogène. Donc on vient résoudre une double problématique, stocker de l'énergie solaire, puisqu'aujourd'hui on n'est pas forcément encore très très bon dans le stockage de l'énergie solaire, et d'autre part avoir une voie de fabrication propre et quasi illimitée d'hydrogène, puisqu'on n'utilise que de l'eau et du soleil. Et quand on fait brûler l'hydrogène, qu'est-ce qu'on a? On a de l'eau à nouveau. Ouais. Donc c'est on stocke avec l'hydrogène. On stocke avec de l'hydrogène et on produit surtout l'hydrogène grâce au soleil en s'inspirant des végétaux. Et c'est génial. Et ça très probablement, donc le velcro c'est formidable, mais ça va peut-être pas changer la face du monde. Par contre, demain, être en capacité de fabriquer de l'énergie comme le font les plantes, ça peut être une révolution pour l'humanité. Mais comment ça se fait qu'on n'y ait pas pensé avant? En fait, l'une des raisons pour lesquelles le biomimétisme se développe de façon beaucoup plus significative depuis 15 ans, c'est que tout simplement, d'une part, nos connaissances en biologie ont énormément évolué, parce qu'on a les outils d'exploration, finalement, et de compréhension du vivant qu'on n'avait absolument pas à l'époque. Et puis, par ailleurs, on a le développement de technologies qui permettent, finalement, d'imiter le vivant. Parce que c'est bien beau de comprendre le vivant, mais si on n'est pas en capacité de réellement l'imiter, parce que c'est très sophistiqué, le vivant. Donc, jusqu'à présent, on n'avait pas les moyens de reproduire la photosynthèse. Donc on est en train d'atteindre ces leviers méthodologiques et technologiques pour pouvoir faire ça. Et toujours à propos de l'énergie, racontez-moi l'histoire des hydroliennes bio-inspirées. Alors on a la chance en France d'avoir une jeune entreprise qui s'appelle Il Energy. Il, ça veut dire anguille en anglais. Et donc qui a développé des hydroliennes non pas qui tournent, hein, comme nos hydroliennes conventionnelles qu'on est en train d'installer, mais des hydroliennes ondulantes, puisque finalement... L'hydrolienne, c'est comme une éolienne sous l'hydrolienne, l'eau. L'hydrolienne, c'est comme une éolienne sous l'eau, c'est-à-dire c'est un dispositif qui permet de récupérer l'énergie mécanique des courants marins. Et donc, le constat de Jean-Baptiste Drevet, hein, qui est à l'initiative finalement de cette entreprise et de ce projet, c'est que la plupart des organismes marins, pour se déplacer, ondulent, et que donc c'est un mouvement extrêmement efficace pour se déplacer dans un fluide. Et on s'est dit, si c'est un mouvement efficace pour se déplacer dans un fluide, mais inversement, si on a un fluide qui se déplace, c'est un mouvement efficace pour récupérer l'énergie de ce fluide. Et donc, il a développé des hydroliennes donc, qui ondulent, sont comme des grandes plaques ondulantes, et avec pour avantage d'être à un coût de production à peu près équivalent aux hydroliennes conventionnelles, mais qu'on peut installer à moindre profondeur, à plus faible courant, plus proche des côtes, et donc on peut finalement accéder à une énergie qui ne serait pas accessible par des hydroliennes conventionnelles. Et c'est pour quand? Alors, il a fait ses premiers tests en mer d'ores et déjà il y a quelques mois, et c'est très concluant, donc je pense que la commercialisation ne devrait plus trop tarder. Est-ce qu'on peut parler aussi des matériaux qui sont bio-inspirés? On utilise beaucoup ce qu'on trouve dans la mer, et je crois que les ormeaux sont très prometteurs. De façon assez général. Je pense que si vous parlez à un ingénieur matériaux et que vous lui montrez des matériaux biologiques et qu'il les analyse, c'est un petit peu le Graal, c'est un petit peu l'ultime matériau que tout ingénieur matériaux rêverait d'être en capacité de produire lui-même. Et c'est vrai que ces matériaux du vivant, quelle que soit leur nature, du bois jusqu'à la coquille des crustacés en passant par les carapaces d'insectes, elles ont des propriétés remarquables. Par exemple, la coquille de l'ormeau, c'est une des céramiques naturelles les plus résistantes connues. Et pourtant, sa composition chimique, elle est à peu près équivalente à celle de la craie, la craie de tableau qu'on est en capacité de casser. Et cette extrême résistance en fait, de la coquille de l'ormeau, elle est due non pas à la composition chimique en tant que telle, mais à la structure en fait, de la matière à l'intérieur de la coquille. C'est comme des strates, c'est ça? En fait, imaginez, c'est vraiment presque comme un mur en briques, et où chaque brique est composée en fait, finalement de craie, mais une craie organisée en petits feuillets, très très bien organisée, structurée, et au milieu vous avez une espèce de mortier qui va être un mortier plus mou. Mais le fait que vous ayez cette organisation en feuillet et en mur de briques fait que lorsque vous avez un choc qui se produit à la surface de la coquille de l'ormeau, d'une part le choc est absorbé par ce mortier un peu élastique, et puis d'autre part s'il y a une fissure qui se crée, cette fissure elle va disperser au milieu de ces petites briques. Donc en fait finalement aucune fracture n'a la chance de se propager très loin, elle se retrouve dispersée très vite. Et c'est ça qui fait l'extrême sophistication de la coquille de l'ormeau. La difficulté, c'est que ces structures à des très petites échelles, et qu'aujourd'hui, alors il y a des laboratoires en France, il y a des laboratoires en collaboration avec Saint-Gobain, par exemple, qui ont développé des matériaux qui ressemblent à la coquille de l'ormeau, mais à ma connaissance, on n'en est pas encore arrivé à un processus de manufacture qui soit industrialisable. Mais ça ne saurait tarder parce que c'est un matériau extrêmement intéressant. L'histoire de l'adhésif qui a été copié sur la moule, c'est un matériau, l'adhésif ? Alors, les adhésifs font partie de ces matériaux absolument indispensables et qui sont partout. Si vous réfléchissez un petit peu, vous en avez dans les vêtements, vous en avez dans les bureaux, vous en avez dans les fournitures diverses et variées. Il y a des adhésifs absolument partout. Et se pose aujourd'hui la question d'impact sanitaire qu'ont ces adhésifs, parce qu'ils émettent, par les solvants qui sont utilisés pour les fabriquer, des composés qui peuvent être nocifs pour la santé. Et donc, l'ensemble des fabricants de colle aujourd'hui regardent le vivant pour essayer d'imaginer de nouvelles colles. Et effectivement, dans les grands modèles de colle qui suscitent beaucoup d'intérêt, il y a le byssus de la moule. Donc le byssus de la moule, c'est ce filament qui permet à la moule de s'accrocher à son rocher de façon extrêmement efficace, comme un certain nombre d'entre nous a pu l'expérimenter. Et donc, on a compris, mais c'est relativement récent, la chimie qu'il y avait derrière ce matériau, qui est le byssus de la moule, et on est en train d'essayer de le copier. Il y a des entreprises, notamment du nautisme, qui ont réussi à copier en grande partie cette colle-là pour pouvoir développer des contreplaqués avec de la colle inspirée de la moule à l'intérieur. Mais j'ai l'impression que les exemples sont infinis. J'aimerais bien que vous nous parliez du fil de l'araignée. On en parle beaucoup, on dit que c'est très solide. Alors le fil de l'araignée est un des matériaux les plus résistants mécaniquement, enfin les plus fascinants mécaniquement qui aient été décrits pour l'instant dans le vivant. Alors c'est pas toutes les soies d'araignées, c'est des araignées bien particulières, c'est certaines soies bien particulières, certains fils bien particuliers. Une araignée peut produire plusieurs types de fils à la fois. Et donc là c'est vraiment un fil de traction, c'est la soie de traction, celle qui permet le maximum de résistance. Et ce n'est que très récemment, ça fait 20 ans que les chercheurs s'excitent sur la soie d'araignée, et c'est que très récemment que réellement on a compris ce qui faisait toute la performance de la soie d'araignée d'un point de vue de la chimie et du matériau. Donc c'est en fait la capacité de ce fil d'araignée de s'assembler à la fois en des zones qui vont être très structurées et dures, et des zones qui vont être moins structurées et relâchées, comme un élastique. Et donc cette alternance entre des phases dures et des phases molles qui vont donner cette grande à la fois souplesse de la soie d'araignée et sa très grande résistance lorsqu'on tire dessus. Et ce qui est intéressant, donc ça a été décrit, ces phénomènes-là, et mieux compris que récemment. Et dans les 3-4 dernières années, il y a entre 4 et 5 entreprises à l'échelle mondiale qui ont annoncé qu'ils étaient en capacité de produire de la soie d'araignée. Dans les faits, il n'y en a probablement qu'une qui réellement, pour l'instant, arrive à le faire de façon industrielle. C'est une entreprise allemande qui s'appelle AM Silk et qui, aujourd'hui, produit à grande échelle de la soie d'araignée. De façon synthétique. Alors, cette soie d'araignée est effectivement fabriquée de façon synthétique parce qu'on ne peut pas récupérer la soie de l'araignée comme on récupère la soie du ver à soie par élevage. Cette soie d'araignée doit être fabriquée entièrement artificiellement. Et on a besoin d'un petit coup de pouce pour ça parce que c'est moléculairement très complexe, la soie d'araignée. Et les bactéries sont très très fortes pour faire des molécules complexes. Hein. Ce sont des usines chimiques absolument remarquables. Et donc, on se fait aider par les bactéries pour fabriquer en fait une espèce de soupe qui est ce qui va devenir après, par traitement, la soie d'araignée. Qu'est-ce qu'on en fait ? Cette soie d'araignée artificielle, on peut en faire des textiles performants, très résistant. On peut en faire des éléments de renfort de matériaux. Par exemple, Airbus, maintenant, depuis quelques mois, a annoncé qu'il travaillait sur incorporer de la soie d'araignée dans certains de ses matériaux pour pouvoir renforcer notamment les matériaux pour l'aéronautique. Ça a aussi des propriétés filtrantes, donc on peut les utiliser pour des filtres, et les filtres, il y en a absolument partout. On peut les utiliser à usage cosmétique. Et une des dernières applications que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, qui est absolument remarquable, c'est que on peut utiliser cette soie d'araignée pour faire de l'impression en trois dimensions, donc de l'impression 3D, et par exemple faire des impressions d'organes qu'on va pouvoir ensuite intégrer dans un corps humain pour pouvoir permettre à des cellules de recoloniser ces organes artificiels fabriqués avec de la soie d'araignée et permettre de régénérer finalement certains tissus, des tissus cardiaques, des tissus osseux, parce que cette soie d'araignée est très accueillante pour les cellules du corps humain, tout en étant biodégradable et biocompatible. Oh, mais c'est incroyable. Et on écoute Vincent Delerme, La Chamade. Le soleil, Sacramento, goudron fondu, l'après-midi. La voiture brûlante, le capot, sur le garçon, une fille s'appuie. Alors vouloir être à leur place, alors sentir mon cœur qui bat. Le motel Minnesota, et sur les fleurs du couvre-lit, dans trois minutes, il entendra ses pas approchant dans la nuit. Juste vouloir être à leur place, juste sentir mon cœur qui bat. La chamade, la chamade. Drive-in dans l'Idaho, elle vient d'attraper la portière. À 23h, l'air est si chaud, alors s'embrasser à l'arrière. Ce soir, vouloir être à leur place, ce soir, sentir mon cœur qui bat. La chamade. À présent, la peur des adieux, pourtant vouloir être à leur place, pourtant sentir mon cœur qui bat. La chamade. La chamade. Aventurier, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. Pour Kalina Raskin, directrice du Centre européen d'excellence en biomimétisme, nous avons tout intérêt à nous inspirer du vivant qui a trouvé des solutions éprouvées par 3,8 milliards d'années d'évolution. Cela donne déjà des matériaux plus légers, des trains au profil inattendu. Et demain, nous vivrons dans des villes peu gourmandes, climatisées comme le sont les termitières. Contrairement à l'homme, les organismes vivants font un usage très sobre de l'énergie et de la matière. Le 21 septembre 2004, Journal de France 2. Si l'anguille passionne tant les chercheurs, ce n'est pas pour ses qualités gustatives, mais pour ses capacités inégalées de nage ou encore d'accélération dans l'eau. Depuis 10 ans, ces chercheurs en robotique du CNRS auscultent les comportements du poisson sous toutes ses coutures. Le but, mieux comprendre l'aptitude incroyable de cet animal pour se déformer. Donc on veut exploiter les aptitudes de déformation interne qu'ont ces animaux pour les reproduire sur des systèmes technologiques et donc améliorer la manœuvrabilité. Aujourd'hui, un bateau a besoin de 10 fois sa longueur pour faire un demi-tour et il va perdre la moitié de sa vitesse, alors que l'anguille, elle, effectue ce même 180 degrés sur seulement un dixième de sa longueur et sans perdre de vitesse. Les anguilles, dans leur nage, créent un certain nombre de tourbillons autour d'elles, ce qui s'appelle des vortex. Et en s'appuyant sur ces vortex, ils sont capables d'exercer des efforts très importants qui permettent de les faire accélérer plus rapidement qu'un bateau. D'ici 5 à 10 ans, de nouveaux robots devraient naître de ces recherches sur les anguilles, des machines miniatures qui pourront serpenter dans des canalisations de centrales nucléaires pour les vérifier ou encore dans nos intestins pour effectuer des actes de microchirurgie. Voilà, ça date de 2004, ça fait déjà 15 ans. On a fait des progrès depuis. On a fait de nombreux progrès depuis. Alors, on n'a pas pour autant des bateaux souples tels que ceux qui sont... Comme les anguilles. Comme les anguilles. Mais cela dit, dans le domaine de la robotique, effectivement, de développer finalement des robots entièrement souples et mous, c'est quelque chose qui se développe énormément. Et je suis convaincue que d'ici quelques décennies, c'est aussi des choses qu'on verra apparaître dans le domaine des transports plus largement, probablement. Et le domaine des transports, de façon plus large, est un domaine qui s'intéresse aussi beaucoup au biomimétisme. On a parlé de l'aéronautique. Mais j'ai envie de dire à toutes les échelles. On peut réfléchir aux nouvelles contraintes énergétiques qui vont s'imposer à nous du point de vue des transports. Il va falloir... Qui s'impose déjà ? Trouver de nouveaux mix énergétiques. Donc ça veut dire, voilà, si on veut faire du véhicule électrique ou du véhicule avec d'autres ressources énergétiques, quelles seront-elles ? Si on veut effectivement faire demain des véhicules à hydrogène, comment on produit l'hydrogène ? Et là, on en revient à l'opportunité de la photosynthèse artificielle. Si on veut consommer moins d'énergie pour les véhicules, ça veut dire qu'il va falloir les alléger. Et ça, le vivant est extrêmement fort pour arriver à avoir à la fois des matériaux qui vont être résistants et légers en même temps. Le vivant ne va mettre de la matière que là où elle est nécessaire, et du vide d'ailleurs. Donc on a aujourd'hui des gens qui s'intéressent à optimiser finalement la structure des matériaux pour ne mettre de la matière que là où elle est nécessaire. Si vous regardez par exemple une radio d'un fémur humain, il est poreux cet os, parce qu'au cours de la croissance, les cellules ne vont déposer finalement de l'os qu'à l'endroit où il y a réellement une contrainte, et tout le reste va être creux pour pouvoir finalement assurer la légèreté des matériaux. Donc dans l'allègement, des structures, donc des panneaux typiquement d'avions ou des panneaux de véhicules, ce sont des choses qu'on voit déjà apparaître. Et puis de façon plus large, repenser une mobilité demain différente, en s'inspirant la gestion du trafic extrêmement efficace que vous avez dans une fourmilière. On peut tout à fait imaginer demain développer des véhicules qui vont être intelligents et communiquer les uns avec les autres et éviter les congestionnements que nous avons aujourd'hui. Quand on parle de l'énergie, quand on parle des matériaux, ça concerne aussi l'habitat. L'habitat, le secteur du bâtiment au sens large, effectivement, concentre toute une série de défis à lui tout seul. D'accès à l'énergie, de limitation des déperditions énergétiques. On parle beaucoup de limiter les déperditions énergétiques des bâtiments aujourd'hui, de la rénovation du patrimoine architectural. On a l'enjeu, effectivement, de venir en substitution de certains matériaux qui sont beaucoup trop polluants ou impactants. Et dans ce domaine-là, le biomimétisme est un réservoir d'innovation également très important. Mais on parle de ville biomimétique, c'est quoi ? La ville biomimétique demain, c'est comment penser une ville qui doit rendre les mêmes services que les écosystèmes qu'elles ont remplacés. Un écosystème naturel, aujourd'hui, il... stocke l'énergie, il purifie l'air, il purifie l'eau, il stocke le carbone, il accueille la biodiversité. C'est pas vraiment le cahier des charges de la ville que nous avons autour de nous, hein, absolument pas. Mais concrètement, ça ressemblera à quoi ? Concrètement, il y a déjà des pistes. Par exemple, sur l'efficacité thermique des bâtiments, il y a un bâtiment très célèbre qui est le bâtiment de l'Eastgate Center qui a été développé par Mick Pierce à Harare au Zimbabwe, qui s'est inspiré de la régulation thermique des termitières. Mmh. Les termitières dans ces contrées-là doivent maintenir en fait une température intérieure entre 20 et 25 degrés parce qu'elles vivent les termites vivent en symbiose avec un champignon qui ne pousse qu'à cette température-là. Donc, quelle que soit la température extérieure, 40 degrés, 40 à 50 degrés en pleine journée, ou au contraire proche de zéro la nuit, dedans, il faut qu'il fasse entre 20 et 25 degrés. Et donc, il est allé comprendre quels étaient les mécanismes, finalement, de ventilation naturelle développés par les termites. Et c'est ce qu'il a adapté sur son bâtiment. Et son bâtiment consomme 90% en moins d'énergie liée à la climatisation et la ventilation par rapport à un bâtiment conventionnel de son époque. Donc, ça fonctionne ? Ça fonctionne déjà. Après l'habitat, les transports, les matériaux, l'énergie, on est obligé de parler de la chimie. La chimie est absolument à la base de tout. La chimie est à la base de la vie, d'une part, et puis par ailleurs, elle est à la base effectivement de l'énergie, de la synthèse des matériaux. Par exemple, le vivant n'utilise que les atomes extrêmement abondants qui sont disponibles localement et facilement, donc dans l'air, dans l'eau, dans la croûte terrestre, là où nous, voilà, on est allé chercher beaucoup plus loin certains matériaux, avec le revers de la médaille qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Je crois qu'en matière de chimie, on copie beaucoup les diatomées qui sont des micro-algues, je crois. Les diatomées sont des micro-algues qui ont besoin à la fois d'accéder à la lumière du soleil et qui vont donc flotter relativement proche de la surface. Et pour se protéger de l'environnement extérieur et filtrer aussi la lumière incidente, ces diatomées ont développé une petite coque de verre. Et ce qui est fascinant, c'est que ce verre est fabriqué à température et pression modérée dans l'eau de mer. Il y a d'autres organismes qui sont capables de faire ça, certaines éponges. Si vous regardez le squelette de certaines éponges, c'est de la silice, c'est du verre. Et on a la chance d'avoir de très grands chercheurs en France qui ont réussi à comprendre ces phénomènes-là et à les copier et pour produire du verre à température et pression ambiante. Alors on ne fabrique pas du verre de fenêtre, hein, massif, par ces procédés-là. Ce qu'on va faire par contre, c'est des couches de verre relativement fines, mais du fait qu'elles soient fabriquées à température et pression ambiante, on va pouvoir leur incorporer toute une série de propriétés. On va pouvoir leur donner des propriétés optiques, des propriétés mécaniques. On va même pouvoir, dans certains cas, incorporer des cellules dedans pour des usages médicaux. J'aime bien dire que c'est du biomimétisme inside, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe déjà depuis assez longtemps dans pas mal d'industries, mais dont on n'est pas forcément conscient. Et ça, c'est inspiré des organismes marins comme les diatomées ou les éponges. Et vous avez parlé de dispositifs médicaux. Dans le domaine de la santé, le biomimétisme a aussi sa place ? Alors, dans le domaine de la santé, le biomimétisme a toujours eu sa place, probablement parce que comme on est dans l'étude du vivant pour le vivant et pour la thérapie humaine en particulier, et si je devais citer un exemple qui me tient à cœur parce que c'est une très très belle entreprise française en particulier qui s'appelle Emarina. Emarina a été fondée par Frank Zal. Frank Zal est un ancien chercheur du CNRS qui est un grand spécialiste des vers marins. Ça fait partie de ces chercheurs qui ont exploré les grands fonds marins, les premiers à être descendus au fin fond de l'océan. Et finalement, l'entreprise qu'il a développée est issue de l'observation d'un ver très commun qu'on a sur l'ensemble de nos plages, et en particulier de nos plages bretonnes. C'est ce petit ver aridicole qui fait des tortillons dans le sable. Et en fait, ce ver, il est doté d'une hémoglobine, hein, donc comme nous, hein. Mais Frank Zal s'est posé la question de comment faisait ce ver marin pour résister finalement à l'absence d'oxygène lorsque l'eau se retire à marée basse. Et en fait, il s'est aperçu que leur hémoglobine était capable de séquestrer beaucoup plus d'oxygène que notre propre hémoglobine. En plus, c'est une hémoglobine qui est libre, elle n'est pas greffée au globule rouge. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est une hémoglobine qu'on peut extraire et qui est compatible avec l'homme et universelle. Et donc, il a déjà développé des systèmes en fait de conservation des greffons. Et ça marche extrêmement bien. Je vous encourage à aller regarder les reportages et les nombreux témoignages de patients dont les greffons ont été conservés grâce à Emarina. Ça révolutionne la greffe parce que les organes sont bien mieux conservés, plus longtemps. longtemps. Et donc, ça permet de sauver et d'améliorer la vie d'un très grand nombre de patients. Donc, ça marche très bien. Demain, les objectifs, c'est aussi de développer des systèmes pour pouvoir traiter en urgence l'oxygénation de certains organes, par exemple un cerveau, après un accident vasculaire cérébral ou un accident quelconque, d'être en capacité de le réoxygéner très vite. Et aussi demain, des pansements qui permettent de réoxygéner des plaies pour pouvoir sauver des organes qui sinon auraient pu être amputés. Donc c'est une très très belle entreprise bretonne et Marina. Woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then I walk, I'll be shaded by the trees, by a meadow of green. Oh, by the mile, I'm headed to town, town, town, in style, with all my favorite colors. Yes, sir. All my favorite colors, right. My sisters and my brothers, see them black, no. C'était Black Pumas, Colors. Les aventuriers sur France Inter. La nature est une mine d'idées pour la chimie, l'énergie, la médecine, la robotique, les transports, le bâtiment. On parle du biomimétisme comme étant l'outil de la prochaine révolution industrielle. Tous les domaines sont concernés, les enjeux sont énormes. Pour Kalina Raskin, physico-chimiste, la recherche fondamentale est très importante. 170 laboratoires travaillent sur le sujet en France. Les principaux défis technologiques qu'il y a à relever pour que réellement le biométisme se développe de façon systématique et avec une grande amplitude, ce sont d'abord les défis d'observation et de compréhension du vivant, parce que même si on a beaucoup progressé, il y a encore vraiment beaucoup de boulot dans l'analyse et la compréhension des phénomènes fins qu'on peut observer dans le vivant. Déjà parce que le nombre de modèles réellement étudié aujourd'hui est finalement relativement faible. On estime aujourd'hui qu'il y a 10 millions d'espèces. Il y en a à peu près 2 millions qui ont été étiquetés, c'est-à-dire qu'on leur a donné un nom. Et puis, dans ceux qui ont été réellement étudiés dans un laboratoire ou compris, c'est un nombre quasiment infime par rapport à ces 10 millions d'espèces. Donc, il y a la majorité des espèces, on ne les a absolument pas observées et comprises. Donc, il y a déjà un effort considérable de compréhension et d'exploration du vivant. C'est un des premiers défis technologiques. Et puis après, dans les défis de transposition, je dirais qu'un des défis majeurs, notamment par exemple dans le domaine des matériaux, c'est comment, alors que ces matériaux biologiques sont aussi sophistiqués, est-ce qu'on va être capable demain d'en fabriquer de façon artificielle, alors qu'on a ce défi de volume industriel, de cadence industrielle, qui sont voilà les nôtres. Et de ne pas gaspiller d'énergie. Sans gaspiller d'énergie. Donc comment est-ce qu'on arrive à développer ça de façon beaucoup plus large? On en est au balbutiement de cette manufacture efficace pour pouvoir arriver à des matériaux bio-inspirés. Par exemple, l'impression 3D. Par exemple, les textiles, les nouveaux textiles extrêmement innovants sont probablement une piste intéressante pour développer des matériaux bio-inspirés. Il y a aujourd'hui quelques pistes de manufacture prometteuse. 13 février 2019, documentaire du CNRS, le robot sans GPS, inspiré par la fourmi du désert. Il a une petite tête, deux yeux tournés vers le ciel, six petites pattes, et c'est une première pour un robot de ce type, il s'est rentré à son nid tout seul. Le robot fourmi. Il a vu le jour ici, à l'Institut des sciences du mouvement à Marseille, où une équipe de scientifiques travaille au croisement de la robotique et de la biologie. Leurs créatures mécaniques sont inspirées de la nature. Le petit dernier, Antbot, reproduit des comportements des fourmis du désert qui ont la particularité de ne pas pouvoir se guider grâce aux odeurs. Ce sont des insectes navigateurs qui sont capables de se déplacer sur plusieurs kilomètres, comme les abeilles, pour aller chercher de la nourriture et rentrer à la colonie. Les bioroboticiens ont ainsi développé de nouveaux types de capteurs pour que leurs robots puissent voir le monde comme une fourmi. Alors, il sert à quoi, ce robot ? Ce robot permet d'ouvrir la voie vers un nouveau mode de navigation de système autonome. La grande difficulté des robots au sens large, c'est arriver à gérer leur autonomie dans des environnements qui peuvent être des environnements complexes, où l'homme n'est pas forcément à proximité pour le guider. Et donc d'être en capacité, comme l'a fait cette équipe marseillaise, de réaliser un robot autonome en termes de navigation et d'orientation dans l'espace est une réelle prouesse, une vraie promesse pour des systèmes autonomes demain. Sans GPS. Sans GPS, puisque effectivement, il se guide. Cette fourmi du désert, elle est capable de détecter, en fait, pour simplifier les choses, la position en fait du soleil, et de retenir par la position du soleil et par le nombre de pas qu'elle va compter, elle est en capacité de retrouver son point de départ. Il y a beaucoup d'enjeux dans le domaine du biomimétisme. Les enjeux principaux du biomimétisme, c'est un enjeu culturel principalement. Donc ce défi-là culturel et d'éducation à la science me semble un des défis majeurs. Être en capacité de faire que nos futurs ingénieurs aient ce réflexe de se dire « Mais tiens, dans la nature, comment c'est fait? Dans le vivant, comment c'est fait? Et à qui je pourrais m'adresser? Et comment je fais pour m'adresser à ces gens-là pour pouvoir avoir des idées nouvelles ?» Et inversement, les biologistes, comment on les incite à se dire « Bah tiens, ce que je découvre, ce que j'observe, au-delà de la compréhension de l'organisme en lui-même, qu'est-ce que ça pourrait bien nous donner comme idée pour le transférer ailleurs ?» Et aujourd'hui, c'est absolument pas les réflexes intellectuels et cognitifs de ces différentes disciplines. Parce qu'on parle beaucoup de développement durable en ce moment, est-ce que le biomimétisme, c'est pas une bonne réponse au développement durable ? Nous sommes convaincus que le biomimétisme est probablement une des réponses les plus, on va dire, globales et cohérentes aux enjeux de développement durable. Alors, c'est pas parce qu'on fait de la bio-inspiration qu'on est forcément durable. On peut très bien faire des matériaux qui soient bio-inspirés d'une structure et utiliser des atomes qui sont probablement pas souhaitables d'être utilisés. Donc, c'est pas parce que c'est bio-inspiré au départ que c'est forcément durable. Par contre, si on prend un cahier des charges global, on se dit, finalement, le système vivant, comment il fonctionne, à la fois sur l'énergie, sur les matériaux, sur la chimie, sur la gestion de l'information, et que c'est finalement ce cahier des charges global qu'on essaye de copier, en plus, là, effectivement, on va vers de la durabilité. Et ce qui est intéressant avec le biométisme, c'est que c'est très réconciliant. Finalement, ça réconcilie une certaine prospérité économique, ça réconcilie la biodiversité et la conservation de la biodiversité et les enjeux de réponse, évidemment, à la transition écologique. Si on prend l'exemple de l'agriculture, en copiant la nature, on peut cultiver de façon efficace et beaucoup plus économique. Je pense qu'il n'y a rien qui ressemble moins à un écosystème naturel que notre perception d'un champ agricole aujourd'hui. Je pense qu'on a tous une vision d'un champ agricole avec une seule espèce à perte de vue, ce qui ne ressemble absolument pas à un écosystème naturel. Dans les systèmes naturels, on ne rajoute pas de produits chimiques pour renforcer la production, on ne met pas de pesticides. Pourtant, il y a des maladies, il y a des parasites dans le vivant. Et ça marche, parce qu'il y a une grande diversité d'espèces à tous les niveaux, dans toutes les strates. Il y en a dans le sol, il y a différentes strates végétales à différentes hauteurs, et puis il y a des arbres, et puis il y a toute la communauté d'espèces qui vit en collaboration finalement avec ces espèces végétales. Et donc ces nouvelles pistes d'agriculture productive et écologiquement productive que sont l'agroforesterie, l'agroécologie, l'agriculture écomimétique, voire la permaculture, si on pousse encore un peu plus loin, c'est vraiment reprendre des pratiques traditionnelles, en associant maintenant les connaissances acquises grâce à l'agronomie moderne d'interaction entre les espèces, pour pouvoir aboutir à des systèmes qui vont miser sur les interactions entre les espèces et entre les strates, et donc finalement se construire comme des écosystèmes naturels. Donc on va se promener dans des jardins comestibles, dans des forêts comestibles, qui vont être écologiquement productives et sans avoir à rajouter quoi que ce soit pour que ça marche. Et ça marche. Et ça marche très bien. Et on a des fermes et des exploitations qui se développent de plus en plus en France et dans le monde sur ces modèles-là. Vous connaissez évidemment la papesse du biomimétisme. Alors, je pense que vous faites référence évidemment à Jeanine Binius. Jeanine Binius a joué un rôle effectivement fondamental dans la proposition du biomimétisme comme outil de la transition écologique. Le biomimétisme existait bien avant que Jeanine Binius plaide en sa faveur. Là où elle a apporté un éclairage singulier et vraiment nouveau, c'est sur l'importance que peut jouer le biomimétisme dans la réponse aux enjeux sociétaux et notamment de durabilité. Et elle termine son livre avec des principes à mettre en pratique, optimiser plutôt que maximiser. Il y a effectivement toute une série de principes auxquels fait référence Jeanine Binius, qui sont, je reviens toujours à cette idée du cahier des charges du vivant. Je préfère d'ailleurs parler de cahier des charges que de principes, parce que le vivant ne fonctionne pas avec des principes. Ouais. Le mot principe est très connoté en français. Il n'y a pas de volonté du vivant à adopter ces principes-là. Ce sont des stratégies d'organisation. Effectivement, le vivant va plutôt optimiser que maximiser. C'est-à-dire que, pour illustrer par exemple cette phrase optimiser plutôt que maximiser, le vivant va miser sur la multifonctionnalité. C'est-à-dire que, par exemple, un matériau du vivant reprend l'aile du morpho, il est à la fois léger, il a à la fois un rôle de couleur, à la fois un rôle thermique, il est aussi hydrophobe, parce qu'il ne faut pas que l'aile du papillon soit mouillée. Sur chacun de ces critères-là, il n'est pas parfait, mais par contre, il les a tous en même temps. Et donc c'est ça, un principe d'optimisation versus maximisation. Et nous, c'est vrai qu'on est un petit peu l'écueil inverse, où on va, sur un matériau donné, vouloir pousser au maximum ses propriétés et pas avoir de la multifonctionnalité. Utiliser les matériaux avec parcimonie, ça c'est un second principe, donc tel que le cite Jeanine Binius. Effectivement, le vivant ne va utiliser que la matière qui est nécessaire et présente et disponible localement. Ne pas souiller son nid, ça paraît être quelque chose d'évident et c'est pourtant absolument pas ce que nous faisons. Les défis de gestion de déchets, de la pollution que nous avons aujourd'hui, nous souillons notre propre nid, le nid de l'humanité mais aussi de toutes les autres espèces vivantes sur Terre. Ne pas épuiser les ressources, évidemment, et se fournir localement sont deux autres grands principes qui seraient extrêmement utiles à l'humanité d'avoir en tête. Donc vive le biomimétisme, et le biomimétisme a de belles années devant lui. Le biomimétisme a de très belles années devant lui. On voit un essor considérable, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Les entreprises dans tous les secteurs d'activité commencent à s'y intéresser. Les collectivités, des régions commencent à s'y intéresser dans leur stratégie institutionnelle et politique. Donc je suis convaincue que ce biomimétisme fera partie des réponses majeures à nos grands défis. Merci à Kalina Raskin du Cébios, dont vous trouverez le lien sur la page des Saventuriers. Cette émission, comme toutes celles de cette série estivale, est disponible en podcast sur Internet. Stéphanie Texier réalise les Saventuriers avec Rebecca de Nantes. La programmation musicale est signée Djoubaka. À la documentation musicale, Romain Couturier. Merci également à Sabine Dahuron de l'INA pour les archives sonores. Au programme la semaine prochaine, pollution et perturbation. Perturbateurs endocriniens. Quelle est l'influence de l'environnement sur notre santé? Avec Barbara Domenech, probablement la meilleure spécialiste mondiale des perturbateurs endocriniens, et avec Rémi Slama, auteur d'un livre passionnant, Le mal du dehors, paru aux éditions Coué. Très bonne fin de journée sur France Inter. Dans un instant, vous retrouverez Jean-Claude Amezen. À la semaine prochaine.